بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة المزمل. سورة المزمل في المسألة الخامسة بعد المئة. 205 مسألة في قوله تعالى وكانت الجبال كثيفا مهيلا. Que les montagnes sont comme une dune de sable dispersée. Verset 14. قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يعارض قوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش لأن قوله وكانت الجبال كثيفا مهيلة تشبيه بليغ والجبال بطحنها المنصوص عليه بقوله وبسط الجبال بس تشبه الرمل المتهائل وتشبه أيضا الصوف المنفوش. Donc il dit tout simplement que ce verset là ne s'oppose pas au verset voilà dans le sens où il dit et que les montagnes dans sourate Al-Qari'a verset 5 seront comme de la laine cadrée. Comme de la laine cadrée. Car le fait qu'il dise que les montagnes seront comme une dune de sable dispersée, cela est une ressemblance. Et la montagne Tajbir Balir, c'est une ressemblance qui est très éloquente. Moi, je ne sais pas si on traduirait comme ça, c'est ce qui me viendra à l'esprit. Taïeb. Et car la montagne, après qu'elle soit pulvérisée, comme dans le sens où Allah il le dit, dans le Coran, qu'elle ressemblera à du sable dispersé, et également elle ressemblera à de la laine cadrée. Donc l'un et l'autre vont ensemble. D'accord ? L'un et l'autre vont ensemble. Lorsque ces montagnes seront pulvérisées, elles ressembleront à des dunes de sable dispersé et également de laine cadrée. Voici la réponse donnée par l'auteur entre les deux versets. Wallahu ta'ala a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin.